France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, disparition de Metal Europe, fleuron industriel centenaire du Pas-de-Calais. En janvier 2003, les 830 salariés de cette usine spécialisée dans la fabrication de plomb et de zinc apprennent par un simple fax la fermeture de leur site. Pourtant, si la classe politique se montre unanime pour condamner les décisions des actionnaires de Metal Europe, rien ne fera reculer ces derniers. Depuis la Suisse et un canton où l'évasion fiscale est la règle, la société Glencore, principal actionnaire de Metal Europe, refusera toujours d'assumer ses responsabilités. Au terme de 3 mois de manifestations et d'occupation de l'usine, le tribunal de commerce prononce la liquidation de l'entreprise. Et le plan social, c'est l'État qui devra le prendre en charge. Et ce n'est pas tout. Plus de 100 tonnes de rejets de plomb et de cadmium ont contaminé au moins 650 hectares autour du site. Là encore, c'est l'État qui réglera la facture de plusieurs centaines de millions d'euros. Telle est l'histoire de Metal Europe, illustration de ce que peut être un capitalisme brutal, sans foi ni loi, au seul bénéfice des actionnaires, dont le but est d'accumuler sans cesse plus d'argent, une affaire qui popularisera l'expression de patron voyou. Notre invité aujourd'hui, Hubert Ferret, chef de la rédaction du journal La Voix du Nord à Lens. Il est l'auteur d'une série d'articles rétrospectifs pour les 20 ans de la fermeture de Metal Europe. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Ils sont une dizaine à être venus ce mardi 14 mars 2006. Hommes et femmes, anciens collègues, ils se servent dans la cabine du gardien sur l'immense site de Metal Europe. Les grandes baies vitrées du local offrent la meilleure des vues sur la fameuse tour à plomb. Cette tour, c'est le symbole et le témoin d'une histoire longue de plus d'un siècle qui lie la petite commune des Noyelles-Godeau dans le Pas-de-Calais à la transformation des métaux. L'édifice surplombe le plat pays de cette lointaine banlieue de Lens. 60 mètres de hauteur, 10 étages, sa structure métallique est tout droit venue des États-Unis en 1924, copiée sur les gratte-ciel qui poussent alors comme des champignons de l'autre côté de l'Atlantique. Pendant des décennies, on y a fait couler du plomb fondu depuis le dernier étage au travers d'une grille calibrée. Les gouttes de plomb liquide, emportées par la gravité, prenaient une forme sphérique et terminaient leur course dans un bassin de refroidissement. Cette grenaille a garni les cartouches de tous les chasseurs de France. Mais à l'orée de ce printemps 2006, la tour est inactive depuis longtemps, depuis 2003, et la fermeture brutale de l'usine Metal Europe. Alors, ce 14 mars, c'est à son dynamitage que sont venus assister certains anciens salariés. Parmi eux, Bernadette Slakpa, qui raconte au micro de France 3 ce que cette tour représentait dans la région. On l'a toujours vue et quand on partait en vacances sur l'autoroute, c'est ce que vous voyez en premier. Hein, donc quand on voyait la tour, on voyait la cheminée, bah, on se disait bah, ça y est, on est chez nous. Et ça fait mal de la voir partir. On aurait préféré la sauver. La destruction de la tour à plomb enfonce le dernier clou dans le cercueil de Metal Europe. La fin définitive d'une épopée industrielle achevée dans les larmes. Cette épopée débute à la toute fin du 19e siècle. Sur une zone de marais infestée de moustiques, le long du canal de la Haute-Deule, à la frontière du Nord et du Pas-de-Calais, s'installe en 1894 une société minière qui construit ses premiers fours à zinc et une petite fonderie à plomb. Réquisitionnée par les Allemands pour en faire un lieu de la fabrication de munitions, le site est régulièrement bombardé pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un terrain dévasté qu'acquiert, après l'armistice, la société Penaroya, une entreprise de métallurgie créée par la compagnie Rothschild Frères. Entre les deux guerres, l'entreprise devient le leader mondial du zinc, assurant 10% de la production mondiale de ce métal. En 65, l'usine, remise à neuf, est équipée d'un nouveau four à plomb. Elle se spécialise dans l'extraction d'autres métaux. En plein cœur des Trente Glorieuses, l'entreprise, à la pointe de la technologie, emploie plus de 1500 salariés. Mais les années 80 seront moins heureuses sur le site de Noyelles-Godeau. Le cours des métaux connaît une plongée mondiale. Et puis, la question environnementale s'invite dans les processus industriels. Et on s'inquiète de la fumée grasse et noire que rejettent les cheminées, dont la plus haute culmine à 100 mètres et qui dépasse désormais la tour à plomb. Dans la métallurgie, le mot d'ordre est à la fusion. Non seulement celle du zinc, mais des différents groupes du secteur. En 88, Penaroya s'associe à l'allemand Preussag. L'entreprise s'appellera désormais Metaleurope. En dépit de l'élan généré par ce rapprochement et des investissements injectés sur le site de Noyelles-Godault, la décennie suivante est marquée par plusieurs drames. Le plus meurtrier survient le 16 juillet 1993. 15 minutes après l'accident, le plan rouge était déclenché. 15 ambulances, 2 hélicos, une centaine de personnes, tous les moyens de secours disponibles ont été rapidement concentrés sur la fonderie. Très vite, les lieux sont évacués et on cherche l'identité des victimes. Mon copain, il n'y a pas de chance. Pour sa femme et puis sa mère. Dehors, rappelant le passé douloureux des accidents de la région minière, les familles attendent la liste officielle des victimes. L'explosion s'est produite dans une colonne de raffinage de zinc refaite il y a un mois. Une pression trop haute avait été détectée depuis plusieurs heures. Quand l'accident a eu lieu, le personnel tentait de réparer l'anomalie. Une nouvelle explosion se produit en janvier 1994. Et c'en est trop pour le principal actionnaire, Preussag, qui se retire. Il est remplacé au capital par une société suisse, Glencore. Son cœur de métier, le trading de matières premières. Les ouvriers et les autres salariés de Metaleurope Nord, à Noyelles-Godault, voient leur valser leurs dirigeants. Les hommes forts, nommés depuis le canton de Zoug, un paradis fiscal suisse cadenassé comme une forteresse, ne restent jamais plus de 2 ou 3 ans à diriger leur destinée. Et ils ne le savent pas encore, mais des mouvements comptables s'opèrent dans le secret des comptes du groupe. Metaleurope Nord se voit transférer toutes les pertes de la maison mère quand celle-ci récupère tous les actifs. Circonstances aggravantes ou corollaires, la conjoncture continue de s'assombrir dans la métallurgie. En juillet 2002, le grand patron américain du groupe Metaleurope prononce sa sentence. Le site de production de Noyelles-Godault sera transformé en centre de recyclage de résidus industriels. Facture sociale de cette décision, 370 emplois menacés sur les 830 que compte l'usine. La sinistrose s'abat alors sur ce bout du Pas-de-Calais qui paie depuis quelques décennies déjà un lourd tribut au déclin d'industrie décrété par les gouvernements précédents. Quelques mois avant l'annonce de ce plan social à Metaleurope, c'est une autre institution du territoire qui fermait ses portes. Les 200 fours de la coquerie de Doncourt, à quelques kilomètres de là, se sont arrêtés de chauffer. Et 400 salariés sont restés sur le carreau. Mais ce n'est pas l'actualité sociale du bassin lensois qui intéresse les médias au cours de cette année 2002. Non, c'est la question environnementale. À la fin du mois d'octobre, un collectif d'habitants porte plainte contre Metaleurope Nord pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Une famille s'adjoint même les services d'un avocat très médiatique, Gilbert Collard. Face aux caméras, des mamans témoignent, analyse sanguine à l'appui des dangers que courent leurs enfants. Comme ici, pour le journal de France 2, le 29 octobre 2002. Depuis plus de 100 ans, ces champs sont pollués. L'usine Metaleurope produit la moitié du plomb en France. À cause des vents dominants et des rejets, les sols en sont imprégnés. Dans les communes limitrophes, les cas de saturnisme se sont multipliés. Murs et sols recèlent une teneur en plomb 40 fois supérieure à la moyenne. Les enfants sont particulièrement touchés. J'avais mon garçon, je lui ai fait une analyse le 15 mai 2002. Il présentait un taux de plomb de 136. Le 29 mai, on refait la même prise de sang. On voit bien que le plomb est remonté à 150. La teneur en plomb augmente, les habitants des communes se sont donc mobilisés. Une soixantaine a décidé de porter plainte pour empoisonnement et non-assistance à personne en danger. L'opinion est unanime. Metaleurope doit payer pour les dégâts que l'usine imprime à l'environnement depuis plus d'un siècle. Et c'est encore la teneur du reportage diffusé à une heure de grande écoute par l'émission 7 à 8 sur TF1 le dimanche 12 janvier 2003. L'entreprise assure qu'elle va y mettre les moyens. Au cours de ses nombreux reportages, le directeur de la communication, casque de chantier sur la tête et cravate nouée autour de cou, détaille les stratégies envisagées pour minorer l'impact environnemental de l'usine. Une sorte de colle de la famille de la gomme arabique doit par exemple être répandue sur les monticules de résidus qui parsèment les 3,5 hectares du site pour empêcher les poussières bourrées de plomb de s'envoler et de contaminer champs et jardins voisins. En tout, 600 millions d'euros sont promis par l'entreprise pour dépolluer le site. Mais 5 jours plus tard, tous ces plans vont s'arrêter net et les belles promesses vont s'envoler. Le jeudi 16 janvier 2003, en effet, à 21h passée, Pascal Vallart, le chef de l'agence d'Alain Beaumont du quotidien La Voix du Nord, sort de la cérémonie de vœux d'une association du coin. Son portable se met à sonner. Au bout du fil, l'un des contacts du journaliste au RG, des renseignements généraux, lui confie « Metal Europe, c'est fini. La maison mère les lâche. Ça va être annoncé demain à 17h. » Alors, le lendemain, dès le milieu d'après-midi, ce 17 janvier, Pascal Vallart est à Noyer-le-Godeau. Et à 17h, le tuyau des RG se confirme. Dans le bureau du directeur, un simple fax sinistre tombe. Metal Europe ne sortira plus 1 € pour sa filiale Nord. C'est la mort annoncée. Avec tout de suite, bien sûr, dans l'esprit de chacun, les conséquences sociales de cette décision. En plus des 830 emplois, ce sont plus de 2000 autres qui sont menacés chez les sous-traitants. Et c'est ce que rappelle le président de l'agglomération d'Hénin-Carvin, Alain Facon, interviewé par France 3. C'est grave, c'est qu'on va perdre encore 1 millier d'emplois, plus 1 millier d'emplois induits. Qu'il va y avoir un dépôt de bilan. Un dépôt de bilan, ça veut dire quoi? Que les salariés vont être jetés complètement à la rue. Pour les salariés, la douche est glaciale. Ils avaient cru, pour la plupart, à la possible reconversion du site, annoncé d'ailleurs quelques mois plus tôt. Même si depuis, les 830 métallos se regardaient un peu en chien de faïence, et évaluant qui avait le plus de chances d'échapper au plan social et à la suppression de près d'un tiers des postes. Eh bien là, ils sont tous dans la même galère. La brutalité de l'annonce les convainc toutefois qu'ils ne doivent pas laisser mourir leur outil de travail. Comme l'explique le leader de l'intersyndicale de l'usine, le délégué CGT Farid Ramou, au micro de France Inter. Il y a deux sentiments qui coexistent, c'est l'abattement parce que, au lieu de nous dire clairement où est-ce qu'on allait et ce qui pouvait advenir, on nous a fait miroiter des choses et puis d'un autre côté c'est la révolte parce que on a tout donné quoi. Enfin, et encore, moi ça fait que 15 ans que je suis là, mais il y a des gens qui sont là depuis 35 ans, voire 40 ans encore, il n'y a plus que ça, et qui ont tout donné à l'entreprise, leur santé y compris, et ils vont être jetés comme des malpropres, on peut pas laisser passer ça. Pour ça que produire, là, c'est aussi garder du stock, garder une espèce de réserve sous la main. Oui, c'est garantir certaines ventes, mais on va s'attacher à ce que ces ventes profitent à Noyer-le-Godeau et non à Glencore, qui est l'actionnaire liquidateur mercenaire. La seule garantie pour les salariés de Metal Europe Nord, c'est que les salaires seront bien versés à la fin de ce mois de janvier. C'est le dernier PDG en date, Gilbert Alain Ferrer, nommé par Glencore à la fin de l'année 2002, qui leur assure quelques jours après le fax fatal. Bien. Mais pour la suite? Eh bien, pour la suite, les espoirs sont minces. Sans argent frais venu de la maison mère, les salariés savent bien que les jours de leur usine sont comptés. Pour les ouvriers, ce sont des pans entiers de vie qui disparaissent. D'un coup, des vies de dur labeur. Quelques mois plus tard, sous la plume de l'écrivain Frédéric Fajardi, Mustapha, 56 ans, fondeur, raconte la sienne. Ça me fait mal au cœur tout ça, j'étais pas préparé. Tu vois, fondeur, c'est vraiment dur, dur, dur, mais finir comme ça, c'est dur aussi. J'ai été fondeur pendant 35 ans. Je suis tombé 2 fois dans le coma à cause de la chaleur, parce que le métal en fusion sort à 1500 degrés. Tu dois boire 5 ou 6 bouteilles d'eau par jour. On travaille 1 heure, on se repose 1 heure. On retravaille, ainsi de suite. Avec l'eau que je bois, je manque de sucre. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Aujourd'hui, casse sociale chez Metal Europe. France Inter, affaires sensibles. L'émoi causé par l'annonce brutale de la fermeture de l'usine Metal Europe de Noyelles-Godault prend rapidement un tour national. Pour l'opposition socialiste et communiste, la majorité UMP est bien responsable de la situation. Depuis la réélection de Jacques Chirac en 2002, la droite revenue au pouvoir a œuvré à l'Assemblée, dit-elle, pour saper le travail entrepris par le gouvernement précédent, celui de Lionel Jospin. Les mesures portées par le gouvernement socialiste dans sa loi de modernisation sociale, qui voulait interdire les licenciements boursiers, ont été suspendues. Pour la gauche, c'est un feu vert donné aux pires pratiques des chefs d'entreprise. Il faut dire que ce n'est pas le seul dossier chaud du gouvernement. Les annonces de plans sociaux se sont multipliées les derniers mois. Le 6 janvier 2003, à leur retour de congé, les 47 salariés de l'usine Palace Parfum retrouvent les locaux de leur usine complètement vides et les chaînes de conditionnement de parfums disparues, tout comme les stocks de matières premières. Quant aux patrons, ils sont restés introuvables. Du côté du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, il s'agit donc de donner des gages en matière sociale. Francis Maire, le ministre de l'économie, se dit effaré par la façon dont la décision de fermer Metal Europe a été prise. La manière me révulse, assure-t-il. Mais c'est Jacques Chirac, président, qui trouve le mot juste. Les patrons de Metal Europe sont des patrons voyous. Sa ministre de l'écologie, Roselyne Bachelot, reprend l'expression promise à Le Beaujour devant elle. Pour la ministre, la chaîne de responsabilité est clairement établie. La chaîne de responsabilité a été, comme pour d'ailleurs la catastrophe du Prestige, sciemment organisée pour faire échapper ces patrons voyous, ces voyous à leur responsabilité. Il est d'ailleurs tout à fait étonnant et hallucinant que l'on retrouve les mêmes noms et les mêmes sociétés derrière le Prestige et derrière Metal Europe. Eh oui, le Prestige, c'est ce bateau qui a fait naufrage quelques semaines plus tôt au large des côtes espagnoles de la Galice. Catastrophe maritime, la coque du pétrolier se fracasse, 4000 tonnes de fioul se déversent dans l'océan. Et derrière tout cela, un même nom qui sent le soufre, celui de la société suisse Glencore, les rois de la jungle capitaliste, titre le magazine Le Point, par exemple. Cette société détient plus de 30% du capital de Metal Europe, maison mère du site de Noyelles-Godeau. Son fondateur, Mark Rich, a longtemps été recherché par le FBI. En cause, du pétrole acheté à l'Iran en plein embargo en 83 et revendu à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mark Rich a ensuite bénéficié de la grâce de Bill Clinton, miraculeusement signé le dernier jour du mandat du président américain en 2001. Le mystère plane lourdement sur Glencore, alimenté par une opacité totale de gestion. Depuis l'annonce brutale du 17 janvier 2003, aucun commentaire de l'actionnaire principal de Metal Europe n'a été entendu. Un silence, un lourd silence, propice aux fantasmes les plus baroques. Les salariés ressortent les vieux dossiers, par exemple, l'acte d'achat du site par Penaroya, la compagnie des frères Rothschild, prévoyait que son exploitation s'arrêterait en 2003. Troublant. Plus étrange encore, 6 mois auparavant, en juillet 2002, Metal Europe a été victime d'un braquage. À la sortie de l'usine, 3 hommes armés de pistolets automatiques arrêtent la camionnette qui vient de quitter le site de Noyelles-Godeau. À l'intérieur, un véritable trésor de guerre. 9 tonnes d'argent brut, 430 lingots pour une valeur d'1,5 million d'euros. Personne n'a plus jamais vu l'ombre de ce butin. Et à l'heure de la mort annoncée de leur usine, les salariés commencent à soupçonner les Men in Black de Glencore, ces hommes costumés de noir qui apparaissent régulièrement à l'usine pour donner des ordres venus de Suisse. Aucune preuve de la complicité de Glencore dans ce vol ne sera jamais apportée. En revanche, d'autres langues se délient. L'un des cadres de l'entreprise explique à France 3, sous anonymat, comment l'actionnaire suisse a gagné beaucoup d'argent grâce à l'usine de Noyelles-Godeau. En 1995, un accord de coopération est signé entre Metal Europe et Glencore. Pour les matières premières, Metal Europe se doit de passer par le négociant. Noyelles en premier en fait les frais. Nous étions jusqu'à présent totalement libres, indépendants au niveau de l'achat de matières premières, de la vente de nos métaux, plomb et zinc. Et petit à petit, nous avons vu l'impact de Glencore sur le marché des matières premières, avec perte de certains de nos contrats directs au profit de contrats par le biais de Glencore. Ensuite, au niveau des métaux proprement dit, que ce soit plomb et zinc, nous avons également progressivement perdu directement nos clients et nous étions dans l'obligation de passer par l'intermédiaire qui était également Glencore. On a vu arriver les années suivantes le même produit passant par Glencore avec une différence de 35 dollars par tonne, qui fait que le coût pour Metal Europe a été sérieusement augmenté. En résumé, Glencore a fait son beurre, puis dépecé l'entreprise. Mais la brutalité du procédé ne change pas le cours des événements. Le 27 janvier 2003, Metal Europe Nord est placé en redressement judiciaire avec un délai de 3 mois pour trouver un repreneur. Alors, les manifestations se multiplient pour attiser la flamme de l'espoir en attendant l'échéance judiciaire. Le 1er février, 5000 personnes défilent sous la neige jusqu'aux portes du site. Le 7, les salariés occupent un péage sur l'autoroute A1 appelant les bagnards de la route à soutenir les bannis du capitalisme, comme ils disent. Devant les portes de Metal Europe, c'est le défilé des syndicats et des politiques. Bernard Thibault pour la CGT le 12 février, puis Marc Blondel pour FO et Jackie Dindinger pour la CFTC le 13 février, suivi de peu par Olivier Besancenot, alors chef de file du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Le même jour, le ministre de la Justice Dominique Perben annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Le 17 février, aucun repreneur ne s'est présenté au tribunal de commerce de Béthune. Et la colère commence à se muer en rage. malgré les appels au calme de l'intersyndicale par la voix de Farid Ramou. Les plus anciens veulent renouer avec les habitudes de la métallurgie, des contacts rugueux avec ses patrons voyous. Le 21 février, les fondeurs de Noyelles-Godault mettent le cap sur la capitale. Ils se rendent d'abord, drapeau rouge au vent, devant le siège parisien de Metal Europe S.A., leur maison mère. Puis, rue de Berry, dans le 8e arrondissement, pour crier leur dégoût à l'actionnaire principal, le liquidateur mercenaire, comme l'appelle le syndicaliste Farid Ramou. Sur le trottoir, ils apprennent que la société suisse a déménagé la semaine précédente. De quoi faire exploser tous les ressentiments. Les manifestants investissent alors l'immeuble et commencent à balancer des fumigènes. Ils sont évacués par les CRS. Le 6 mars, la même rage étreint les métallos après une rencontre à la sous-préfecture de Béthune avec le gouvernement pour dessiner les contours du plan dit « social » et qui semble inéluctable. Là aussi, ils sont dispersés par les gendarmes. Aucune reprise de l'usine ni des salariés n'est plus envisagée. Le tribunal de commerce prononce donc la liquidation le 10 mars devant des salariés en pleurs, alignés sur les bancs de la salle d'audience, tous vêtus de leur t-shirt blanc indiquant « Je suis 1 sur 830 ». On a des maisons, on a des enfants, on a tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vous qui allez nous apporter de tartines. J'ai de la haine parce que c'est les escrocs qui s'en sortent encore une fois. C'est honteux. Des escrocs qui n'auront pas à payer pour les pots cassés. Glencore a bien organisé son irresponsabilité. Il a fait de Metal Europe Nord une entité à part entière, sans lien avec le reste du groupe, plus à vider les caisses. Pour leurs indemnités, les salariés licenciés ne peuvent espérer que le minimum légal, qui sera pris en charge par une caisse de solidarité publique. Les ex-salariés de Metal Europe ne peuvent désormais plus frapper qu'à une seule porte pour espérer obtenir plus, celle de l'État. 200 d'entre eux se barricadent dans l'usine pour ne pas tomber dans l'oubli médiatique et pour maintenir la pression sur le gouvernement. Un soir, ils se rassemblent le long du canal qui borde l'usine, la Deule, et ils y balancent des pains de sodium, une sorte de pâte à modeler blanche qui explose au contact de l'eau. Un véritable feu d'artifice explose alors au-dessus de l'eau saumâtre du canal. Les voitures qui passent sur le pont klaxonnent à tout rompre. Des ados attirés par le vacarme se font rabrouer par les métallos. « Va pas marcher par là, il y a de l'acide !» Le reporter de Libération rapporte les propos de l'un d'entre eux. Le sodium, c'est un avertissement. Il y a pire en stock. Le pire, c'est l'acide sulfurique, dont le site regorge encore dans des barils estampillés danger. Fin mars, les lettres de licenciement commencent à arriver dans les boîtes aux lettres, comme des fins de non-recevoir formulées à tout espoir. Alors, tous sont prêts à déverser cet acide dans la Deule. Au préfet maintenant de trouver un accord sur le plan de licenciement pris en charge par l'État, sachant que la sécurité du site a un prix, 50 000 euros de prime individuelle pour chacun des 830 salariés qui seraient versés au titre du préjudice moral, financier et sanitaire subi. Sinon ils mettront leur menace à exécution. Pour montrer leur détermination, des hommes enfilent des tenues fluorescentes sécurisées, masques à gaz en prime, et descendent des barils d'acide sulfurique près du canal. Mais gardant, malgré leur infortune, le sens des responsabilités, les salariés licenciés ne pollueront pas le canal et ils n'obtiendront pas ce qu'ils voulaient. Et puis, début avril, l'intersyndicale négocie toute une nuit à Arras avec les représentants de l'État. Fumée blanche, au matin, un accord a été trouvé pour un montant total de 30 millions à charge des deniers publics. Le ministre des Affaires sociales de l'époque, François Fillon, fait le déplacement dans le Pas-de-Calais pour signer le protocole. Et il réagit dans la foulée de cette signature. Moi, si je suis venu aujourd'hui à Arras, c'est pour témoigner du respect du gouvernement pour les salariés de Metal Europe, respect dont n'ont pas fait preuve les dirigeants de Metal Europe à l'égard de leurs salariés. Et ce respect, il se traduit par un plan social qui est exceptionnel. J'entendais tout à l'heure, et je comprends bien la douleur de ceux qui sont en difficulté, des femmes parler d'abandon. Il n'y a pas d'abandon. Le gouvernement était extrêmement attentif au sort des salariés de Metal Europe et il a mis en œuvre avec l'ensemble des partenaires, et notamment les collectivités locales, la région, le département, avec le soutien de Jean-Paul Delevoye, des services de l'État, un plan social qui est un plan social exceptionnel. Ce qui fait 15 000 euros par tête, soit le prix d'une vie à fondre du zinc. une injustice qu'une région entière ne veut pas laisser passer. Le 18 avril, un peu plus d'un mois après la liquidation, un grand concert solidaire est organisé au stade de Liévin. Puis c'est un autre stade qui se met au service de la cause. Une cause portée désormais par une nouvelle association, Cœur de Fondeur, fondée par 660 ex-salariés du site. Dans le chaudron de Lens, le fameux stade Félix Bollaert, un match de gala oppose des anciens métallos à quelques stars du ballon. Dans la foulée, se tient le match de championnat entre Lyon et Lens. Le premier ballon est tiré par Danny Boone, l'enfant du pays qui a fait rayonner le Nord au cinéma. Un coup d'envoi donné par le plus ancien de Metal Europe et par un autre nordiste qui a heureusement choisi la scène plutôt que le football. J'ai fait 20 mètres, je suis mort. Voilà, c'est très bien, c'est magnifique, quoi. Et je pense que c'est surtout beau, enfin important pour eux, quoi, très, très émouvant pour eux. Le Nord est connu pour sa grande solidarité légendaire, et voilà, c'en est une belle représentation. Cette démonstration de solidarité, les actionnaires de Metal Europe, Glencore en tête, n'en ont jamais eu rien à faire. Non, ils observent du haut de leur cynisme les destins brisés des salariés. Quelques indemnités supplémentaires seront grappillées par une partie d'entre eux au prix d'un combat judiciaire long de plus de 20 ans. 3 000 euros pour certains, jusqu'à 24 000 pour d'autres. Les responsables, eux, n'ont pas pris en charge la facture environnementale. L'État s'est donc retrouvé seul face à la douloureuse, 125 millions pour dépolluer le site. Au-delà de l'usine en elle-même, on estime que 650 hectares de sol restent plus ou moins contaminés. À l'été 2023, des tests montrant des teneurs en plomb extrêmement élevées étaient encore réalisés dans des écoles primaires des environs. Quant au gouvernement Raffarin, il avait empêté contre les patrons voyous et promis de légiférer contre eux. Mais cette belle intention ne trouvera jamais de concrétisation législative. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Metal Europe, notre invité Hubert Ferret, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la rédaction du journal La Voix du Nord pour la région de Lens-Hénin et vous intervenez en direct des studios de France Bleu Nord, que nous remercions pour leur accueil. Et vous avez notamment coordonné une série d'articles commémorant la fermeture de Metal Europe 20 ans après. Alors 20 ans après, précisément, quelle trace a laissé cette fermeture dans la région? Et deuxième étage de la question, c'est est-ce que cette cicatrice est encore à vif? J'aurais tendance à vous dire que la région n'a malheureusement jamais été épargnée par les coups de griffe et que Metal Europe n'est qu'une cicatrice à porter parmi tant d'autres. Vous l'avez dit dans le récit, hein, le Nord-Pas-de-Calais a connu une lente et cruelle désindustrialisation et les balafres, tant sur les paysages que dans les esprits, sont nombreuses, qu'elles soient d'ailleurs survenues avant ou après l'épisode Metal Europe. Il y a forcément la plus grande, c'est la fermeture des houillères. L'histoire du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais est née à Oigny, pas très loin de Metal Europe d'ailleurs, et elle s'est achevée au même endroit dans les années 90, soit 13 ans avant la fermeture de Metal Europe. Après, il serait peut-être exagéré de dire que la cicatrice est encore à vif, mais elle est encore ouverte parce que, vous l'avez également fort bien raconté, le coup a été très brutal, ah oui, la blessure profonde, et que l'affaire a été symbolique, elle a été propulsée en tête des JT nationaux, et parce que, surtout, la plaie n'est toujours pas refermée, tant que resteront ouverts les volets judiciaires et environnementaux. Bien sûr. Et justement, en quoi la fermeture de Metal Europe est-elle emblématique du combat de certains salariés, pas forcément dans le Nord, hein, avec certains actionnaires? Là, on est vraiment dans un cas de figure, presque un cas d'école, notamment en termes de brutalité. Oui, alors la brutalité, mais pas celle des salariés. Non, mais bien sûr, des actionnaires. On a parlé de fermeture exemplaire à une certaine période, mais c'est l'attitude des fondeurs, des salariés qui étaient exemplaires. Elle était là très symbolique de cette solidarité dont vous venez de parler aussi, qui s'est exprimée ensuite à Bollaert ou au Stade Couvert de Liévin avec des concerts, des matchs de solidarité au profit des salariés. Il y a eu des coups de sang, mais on ne peut quand même que saluer la dignité et l'humilité, et surtout l'unité dans laquelle les Metal Europe ont mené leur combat. Ce qui n'a pas été exemplaire, en revanche, c'est forcément l'attitude de Glencore. Et puis c'est la suite. Comme il est dit dans le récit, quasi immédiatement après la fermeture, il y a cette déclaration forte du président Jacques Chirac, qui parle de patron voyou, c'est repris par Roselyne Bachelot, c'est repris par plein d'autres. Personne, finalement, n'avait assez de mots forts pour qualifier l'attitude des actionnaires, et notamment Glencore. La sentence était claire, elle était irrévocable dans l'esprit de tous, jusqu'au sommet de l'État. Et pourtant, ces derniers actionnaires n'ont jamais été inquiétés devant la justice. Alors, à quelques exceptions près, que nous relatons dans le récit, cette mobilisation s'est faite globalement dans le calme de la part des salariés et dans la responsabilité. Je pense notamment aux menaces de pollution de la rivière qui n'ont pas été mises à exécution. Et alors, le préfet de région, quelques années plus tard, expliquait cette absence de débordement par la culture politique du Nord-Pas-de-Calais, affirmant au passage qu'un tel événement en Bretagne, par exemple, aurait conduit à des affrontements beaucoup plus violents. Les Bretons n'ont peut-être pas apprécié, mais enfin, quelle est cette culture politique du Nord-Pas-de-Calais dont parle le préfet? Je ne sais pas si on peut parler de culture politique. Je crois qu'il y avait absolument une responsabilité des salariés. Ils étaient conscients que le site pouvait, eux étaient conscients que c'était un peu fichu pour eux, mais que le site pouvait quand même être pris, qu'il pouvait y avoir une nouvelle vie sur cette fonderie dépolluée ensuite. Et s'il venait à balancer de l'arsenic, du mercure, des pains de sodium, les pains de sodium ils l'ont fait, mais de l'arsenic, du mercure ou un petit peu plus dans la Dole ou sur les terres, ça serait un petit peu compliqué aussi de dépolluer tout ça rapidement. Farid Ramou, qui était donc l'emblématique leader syndical, le disait l'année dernière au moment de revenir sur les 20 ans de cette fermeture. Il parlait de cet abandon prémédité, pas de repreneur, une facture économique énorme pour le territoire, une fracture sociale pas moins forte, et un coup de poignard finalement dans le dos de ces ouvriers et du territoire. Et surtout, il parlait du fait qu'on avait dit que Metal Europe servirait d'exemple, ce qui signifiait que l'État promettait de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, et finalement. On a vu que ça n'a pas servi d'exemple. Je pense que, pour revenir à la première partie de votre question, je crois qu'il y avait une forme de résignation, de fatalisme aussi dans l'attitude de ces salariés. C'est dû à tout ce qui s'est passé dans le Nord, ce processus de désindustrialisation. Finalement, c'est pas qu'on s'y fait, mais bon, on se dit voilà, on est un peu maudit, ça continue quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a vécu 13 ans avant, je le rappelais, la fermeture des houillères. Bon, ah oui. C'était attendu, c'était programmé, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Entre les houillères et la fermeture de Metal Europe, il y a eu d'autres pans de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais qui se sont écroulés. Et je pense que la population, c'est quelque part, j'allais dire habituée, c'est pas le terme qui convient, mais fatalisme, quoi. Encore vivre quelque chose. Mais là, c'est la brutalité. La brutalité et le côté sournois dans la façon dont ça s'est passé. Alors, vous étiez peut-être trop jeune, ça s'est passé il y a 20 ans. Mais tel n'est pas le cas, est-ce que vous avez couvert ces événements? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, oui, non, mais Pascal Boillard dont vous parlez. Ok. Vous auriez pu être plus jeune, mais pas avoir pu couvrir ça. Et justement, puisque vous avez couvert cet événement, cette actualité, le souvenir qui vous revient le plus fort, comme ça, quand vous y repensez? C'est d'abord un accueil. Alors, on avait des relations avec Farid Ramou, avec quelques autres salariés, mais on était un petit peu nous incriminés. Les journalistes n'étaient pas les bienvenus. Pourquoi ? Sur le site, parce que on traitait. Je pense qu'on en parlera peut-être après, mais de l'environnement, oui, des conséquences de la pollution, de la santé publique. On écrivait beaucoup là-dessus, sans oublier le volet économique et social. On avait couvert également la valse des directeurs, etc. On avait évidemment parlé de ça également. Mais ce souvenir-là, et c'est, je crois que c'est ça. En fait, c'est le switch qui s'est déroulé. On n'était pas les bienvenus, et puis ils nous ont vus rester, être là tous les matins à 6 heures du matin dans cette cantine de Metal Europe muet en QG de lutte. Et voilà, ils nous voyaient là à 7 heures du matin, et ils nous voyaient jusqu'à 23 heures minuit à l'issue des rassemblements. On allait écrire nos papiers pour les amis de la radio. Faire leur papier également, mais on revenait le lendemain, on était là toutes les semaines, et ça pendant des mois. Et je crois que là, il y a même des amitiés quelque part qui se sont nouées. Oui, bien sûr. Ils ont senti que voilà, vous étiez non pas à leur chevet, parce que c'est pas non plus le rôle des journalistes, mais que vous étiez à l'écoute, en tout cas, vraiment à l'écoute. On était à l'écoute, oui, on était à l'écoute, et puis on faisait notre boulot, on est allé voir qui était Glencore, on est allé voir... Pourquoi l'État avait un petit peu de mal à boucler ce fameux plan social, comment ces gens allaient rebondir. On est allé les rencontrer aussi. On avait jusqu'alors plus eu l'habitude de rencontrer les riverains qui se plaignaient justement du fait de pas pouvoir cultiver leur potager sans avoir des carottes qui ressemblent à celles de Tchernobyl, ou avoir des enfants qui souffrent de saturnisme. Et puis là, on est allé aussi chez ces salariés dont les portes n'étaient pas ouvertes auparavant. Et oui, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas un dossier en tant que journaliste qu'on referme facilement. France Inter. Affaires sensibles. Hubert Ferret, je rappelle que vous êtes journaliste à la tête de la rédaction du journal La Voix du Nord pour la région de Lens-Hénin. Dans les témoignages des ex-salariés, la position des écologistes est largement décriée, certains accusant les Verts d'être à l'origine de la fermeture de l'usine en raison de leur combat contre la pollution. Quelle part a joué cette question environnementale dans la décision des actionnaires de fermer le site ? Alors, je pense qu'il faut nuancer un petit peu dans le fait qu'on puisse accuser les Verts d'être à l'origine de cette fermeture d'usine. Il y a quelques mouvements, quelques associations écologistes avec des riverains qui montent au front et qui dénoncent, ce qui est absolument normal en plus, une pollution au plomb qui fait des ravages tant sur les sols que sur la santé publique. On n'en est pas au stade d'une ZAD et il faut savoir que le combat de ces associations et de ces écologistes a souvent été contrarié par l'intervention des élus locaux qui refusaient eux d'opposer économie et donc emploi à l'environnement. On pouvait pas trop leur reprocher non plus. Aujourd'hui, je pense qu'on leur reprocherait beaucoup plus facilement. Mais à l'époque, on pouvait pas trop leur reprocher parce que, comme on le disait avant, on est sur un territoire qui était déjà fortement éprouvé pour avoir refermé douloureusement le chapitre minier, et il était difficile de mettre en déséquilibre un ensemble industriel comme celui de Metal Europe qui était déjà très vacillant. Vous le disiez, c'est 830 emplois directs et puis 2000 emplois sous-traitants. Ah mais je veux dire de la part de ma question, je vais la faire plus précise. De la part des actionnaires, est-ce que ce sont des motifs d'abord industriels, financiers, stratégiques, ou est-ce qu'il y a une motivation environnementale, ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Je crois que la responsabilité elle est là, c'est que les actionnaires refusaient ou auraient refusé de faire les travaux qui s'imposaient parce que ça coûtait très cher qu'on était dans un contexte où la métallurgie n'était plus vraiment source de gros profits. Bien sûr. Alors que devient l'association Cœur de Fondeur qui a été créée quelques semaines après la liquidation judiciaire de l'usine ? Alors elle a longtemps été menée par Farid Ramou qui était l'emblématique leader syndical. Et lui s'est retiré, il est parti vivre, il a quitté la région d'ailleurs, et ça a été repris par une autre figure de proue de ce combat de 2003, qui était syndicaliste du côté des cadres, Albert Lebleu, qui était ingénieur à Metal Europe. Alors ce sont d'autres méthodes, un autre caractère, mais l'objectif est demeuré identique, faire reconnaître les droits des Metal Europe. Et le combat se poursuit 21 ans plus tard, le combat se poursuit encore. Et il faut saluer quand même la détermination de ces salariés de cœur de fondeur qui sont toujours mobilisés. Alors, moins nombreux malheureusement, mais toujours mobilisés. Est-ce qu'ils ont retrouvé du travail pour certains? Alors pas de façon statistique précise, mais en proportion, comment ça s'est passé? Alors, on avait fait le compte l'an dernier pour les, la série des 20 ans, justement avec Cœur de Fondeur, et on avait 364 anciens fondeurs qui sont désormais à la retraite ou en pré-retraite, 167 qui avaient retrouvé un CDI, 9 qui se trouvaient en invalidité et 28 dans une situation précaire et on déplorait jusqu'à l'an dernier 96 décès. Alors, quand on observe la carte des fermetures d'usines dans les années 80, 90, puis au début des années 2000, dans cette région du Pas-de-Calais, on voit leur concentration autour d'Hénin-Beaumont. Quelle est la part de ces fermetures successives dans le succès du Front National à Hénin-Beaumont et de Steve Briouat, devenu maire de la ville en 2014, à votre avis? Parce que, je dis ça parce que le Front National a investi l'électorat ouvrier. Oui, tout à fait. Tout alors. À fait. Le Front National est devenu le Parti communiste d'il y a 40 ans. Le Rassemblement National, ça s'appelle comme le ça. Le Rassemblement National. Parce que le FN ou le RN, maintenant le RN, n'ont pas prospéré là où ça se passe bien. C'est une évidence. Hein. Les territoires sur lesquels ils ont semé les graines qui leur ont rapporté les plus belles récoltes électorales sont les territoires où les crises ont en quelque sorte résigné les habitants qui ont répondu les premiers aux sirènes. Ben, on l'a tout essayé, ça marche pas, alors pourquoi pas eux? Et Hénin-Beaumont fait partie de cette liste-là. Et c'est même le premier sur la liste. Mais Il y a autre chose aussi pour le succès de Steve Briouat dans cette ville, c'est que il y a cette litanie de fermeture d'usines, ce fatalisme. Il y a le travail aussi d'un militant. Il est du CRU. Il est né pas loin de là. Il est né à Seclin. Il est grand-père. Il est petit-fils pardon de mineur. Et puis il fait au début en 2003 à Metal Europe, il se fait expulser Manu Militari avec sa garde rapprochée du site par les cégétistes à l'issue de la manifestation, je crois du 5 février si mes souvenirs sont bons. Mais il poursuit le travail. Un travail de rue par rue, maison par maison, et il parvient aussi à faire venir Marine Le Pen dans le secteur. Elle trouve là un joli laboratoire et une terre d'accueil très propice. Et puis, ce qui déclenche le tout, c'est surtout Hénin-Beaumont, c'est l'affaire d'Allongeville, du nom de l'ancien maire, qui sera condamné pour détournement de fonds publics et corruption passive. Et là, c'est l'opportunité inespérée pour Steve Briouat de l'emporter. Et puis, il sera réélu en 2020 avec plus de 74% des voix. L'affaire d'Allongeville est l'élément déclencheur parce que dans toutes les autres communes, le vote Front National est clairement de plus en plus puissant. On le voit, c'est le premier vote pour toutes les élections nationales, législatives et même européennes, bien sûr. On va le voir encore dans quelques semaines. Aucun notre élu du RN n'est parvenu à prendre un fauteuil majoral dans ses anciennes forteresses socialistes et communistes. D'accord, c'est un élément de réponse. Et ce sera le mot de la fin. Hubert Ferret, merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la fermeture de Metal Europe. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.